Que m'apportent ces gens qui dansent autour de moi? Que m'apprennent ces nuits à ne savoir pourquoi? À chercher une lumière pour éclairer mes nuits. Ne trouver que des jeux qui assombrissent ma vie. Trop longtemps espérer de pouvoir dire toujours. Et pourtant tout quitter avec le petit jour. Arrêter de mentir aux autres aussi à soi. Pour cesser de souffrir, de tricher, c'est moi. Chaque nuit te rêver, même si tu ne viens pas. Tous les jours espérer, enfin que tu sois là. À mélanger nos cœurs et vivre nos désirs. Que notre amour se voit et que je puisse le dire. Plusieurs fois déjà vécu ces instants-là. Pour savoir chaque fois que ce n'était pas toi. Je regrette ces moments où la rupture fait mal. Quand il faut reconnaître que c'est encore normal. Compter les échecs qui me font tant souffrir. Et continuer de vivre en acceptant le pire. Apprendre l'important pour éviter les fautes. Qui font que l'on s'égare en oubliant les autres. Chaque nuit te rêver, même si tu ne viens pas. Tous les jours espérer, enfin que tu sois là. À mélanger nos cœurs et vivre nos désirs. Que notre amour se voit et que je puisse le dire. Que je puisse le dire. Essayer d'éviter tous ces gestes qui blessent. Et ces mots qui nous plongent vers de nouvelles détresses. Accepter les erreurs et vivre nos différences. Pour enfin voir l'amour, la fin de nos errances. Chaque nuit te rêver, même si tu ne viens pas. Tous les jours espérer, enfin que tu sois là. À mélanger nos cœurs et vivre nos désirs. Que notre amour se voit et que je puisse le dire.